Le Soldat, une fanfiction Harry Potter, écrite par Snake BZH. Disclaimer. Cette fiction est une fanfiction qui s'inspire de l'œuvre de J.K. Rowling, Harry Potter. Tous les personnages issus de ses romans lui appartiennent, tout comme l'univers. Seuls les personnages originaux et le récit sont de moi. C'est une petite fanfiction sans prétention que j'ai écrite en parallèle de mes autres plus importantes à mes yeux. C'était pour me détendre. C'est pourquoi elle est courte et qu'il s'agit d'un one-shot. Et c'est aussi la raison pour laquelle le récit est moins abouti et réfléchi que mes fanfictions appartenant à la collection Dark World. Cette fiction mêle le monde militaire moldu au monde des sorciers. Connaissant relativement bien ce domaine, j'ai essayé d'être réaliste. Mais cela reste une œuvre de fiction, donc il y a des choses qui ne se feraient jamais dans le domaine militaire. Ceux qui connaissent aussi bien, voire mieux ce domaine, me pardonneront, je l'espère, ces écarts. Bonne lecture, Snake BZH.